Cultive tes goûts. Cultive tes goûts. Cultive tes une autre émission de Web Musique. C'est Simon Roy en votre compagnie. On va passer la prochaine heure ensemble. Encore une fois, beaucoup de bonne musique. Je vais vous proposer une sélection à tendance post-rock cette semaine. Les dernières semaines, on a écouté beaucoup de musique électronique. Donc, on va ressortir un peu les guitares. Ça fait toujours du bien. Post-rock, mais j'ai un petit peu de folk americana au travers, j'ai un peu de 8 bits, donc quand même assez éclectique comme à l'habitude. Donc, ben c'est ça, sans plus attendre, on débute avec Systra, un artiste donc russe qui publie sur BFW Recordings. Je vous fais entendre la pièce Tiny Boat. Ensuite de ça, sur l'excellent net label Lost Children, je vous fais passer We Collect Skies avec la pièce Remote Control Skies. Vous allez voir deux pièces excellentes pour débuter Web Music. Thank you. Wow, une pièce quand même assez épique, surtout que ça vient d'un one-man band appelé We Collect Skies. C'était la pièce Remote Control Skies. Donc, c'était publié sur le netlabel Lost Children. Un netlabel excellent, je vous invite à visiter le site web du netlabel. Donc, beaucoup de musique, saveur post-rock, mat-rock et autres musiques du genre. Donc, allez faire un tour sur Lost Children, ça vaut vraiment la peine. Beaucoup d'albums vraiment intéressants. Donc, on avait débuté l'émission tout juste avant cette pièce avec Systra, un artiste russe, donc avec sa pièce Tiny Boat. Ça, c'était publié sur BFW Recordings. Pour la suite de l'émission, je vous propose Bacterial Promoters. J'ai pas plus d'informations à propos de l'artiste. Je fais passer sa pièce 1024th Nako Valnens Tweet. Ensuite de ça, sur le netlabel Subwise, il s'agit d'un artiste, alors j'ai seulement de 17 ans, qui s'appelle Parks, Squares and Alleys. Je vous fais passer sa pièce Should Everybody Go to the Disco. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, on écoute tout de suite Bacterial Promoters à Web Music. Thank you. une excellente pièce. C'était l'artiste Sergei Kavro, un artiste donc de la Russie qui évolue sous le nom de Parks, Squares and Alleys. C'était la pièce Should Everybody Go to the Disco. Donc, un artiste vraiment talentueux malgré son âge, 17 ans. Vraiment impressionnant. C'était publié sur le net label Subwise. Avant ça, on entendait Bacterial Promoters, la pièce 1024th de Nako Valnens Tweet. Donc, on va poursuivre avec cette fois-ci un peu de musique tendance folk. J'aime vraiment la pièce. C'est Sean Hayes qui nous chante Alabama Chicken. C'est publié sur Reverse Engine Records. Ensuite de ça, sur Muff Netlabel, il s'agit de Inspector avec sa pièce So Mental. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, c'est ça, on écoute une pièce vraiment sympathique de Sean Hayes, Alabama Chicken. Sometimes enough for the whole crew. Cluck our hand, cluck our sight. You're the best hand that ever lived. Sometimes one, sometimes two, sometimes enough for the whole crew. C'était Inspector avec sa pièce So Mental. C'était publié sur Muff Net Label. Avant ça, une pièce donc de Sean Hayes avec sa pièce Alabama Chicken. C'était publié ça sur Reverse Engine Records. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Rendez-vous sur le blog de l'émission au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist et donc vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Quoique j'ai pas pu pour les deux dernières émissions, on va tenter de régler quelques petits problèmes. La balado diffusion va revenir. Inquiétez-vous pas. On va faire une courte petite pause et on revient tout de suite après pour la suite de Web Musique. À CKRL, l'émission Le Continental de François Tremblay, c'est comme qui dirait un tantinet pré-potron-minet. Le Continental, c'est une danse, c'est aussi un déjeuner assez copieux, mais Le Continental, c'est également l'émission matinale de CKRL. Avec ses actualités au quotidien, ses choix de sortie et ses chroniqueurs chevronnés. Animé par François Tremblay, du lundi au vendredi dès 7h, Le Continental, seulement au 89.1. C'est quand même 89.1. De retour à Web Musique. Donc, pour poursuivre l'émission, on va entendre tout de suite Vile Wannabe. C'est sa pièce First Day of the Future. C'est publié sur Pixelbot. Ensuite de ça, encore sur Lost Children, il s'agit du groupe Charts and Maps. Je vous fais entendre la pièce Hypnotic American Firework. Vous allez voir, une pièce quand même assez longue, vraiment excellente. Donc, c'est ça. On écoute tout de suite Vile Wannabe. Thank you.

êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, c'était une pièce de Charts and Maps, un groupe qui vient de la ville de Highland Park en Californie. C'était la pièce Hypnotic American Firework, publiée sur Lost Children. Avant ça, de la Finlande, c'était Vile Wannabe avec la pièce First Day of the Future. Ça, c'était publié sur Pixel Bot. Pour la suite de l'émission, on va entendre Under the Pipe. J'adore le nom de l'artiste. C'est publié sur Mimi Records. La pièce s'appelle When the Soul Asks for Help. Ensuite de ça, sur Clinical Archives, le groupe, ça aussi j'adore le nom, Nice Wings Icarus. Je vous fais entendre la pièce Those Who Build the Pyramids. Vous allez voir deux pièces excellentes à Web Music. We'll be right back. C'était le groupe ukrainien Nice Wings Icarus. C'était la pièce Those Who Built the Pyramids. C'était publié sur Clinical Archives. Avant ça, sur le net label Numi Records, c'était le groupe, le one-man band portugais Under the Pipe. Sa pièce s'appelle When the Soul Asks for Help. Donc, deux pièces vraiment excellentes. On va se laisser sur une dernière pièce, c'est la fin de Web Music, donc on va se laisser sur une pièce de Minion TV, ça nous vient de Liverpool, la pièce s'appelle Yardsticks, ça c'est publié sur Hawkmoon Records. Avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission, rendez-vous au www.webmusic.ca, vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. Donc c'est ça, on se laisse sur Minion TV, la pièce Yardsticks. Puis, c'est ça. Revenez la semaine prochaine pour notre émission de Web Music.